une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, nous étions à Londres. Charlotte Bien-Aimée et Diffie Mariani nous ont raconté comment la suffragette Mary Richardson avait attaqué le célèbre tableau de Velázquez, La Vénus au miroir, exposé à la National Gallery. C'était le 10 mars 1914. Mary Richardson a 25 ans. Elle se jette sur le tableau, armée d'un petit hachoir à la lame longue et aiguisée, semblable à celle qu'utilisent les bouchers. Et elle frappe 7 fois. Et en quelques secondes, lui inflige des blessures aussi graves qu'irréparables. Qui est Mary Richardson? Pourquoi s'attaque-t-elle à un tableau? Pourquoi à celui-là plutôt qu'à un autre? C'est ce que nous avons cherché à comprendre en reconstituant la scène du crime et en nous replongeant dans l'histoire de notre victime. Quant à celle de notre agresseur, c'est avant tout une suffragette parmi d'autres au cœur de la bataille pour le droit de vote des femmes. Une manière de mener des actions violentes et scandaleuses, mais sans tuer ou blesser des hommes et faire exister un combat dans une société qui ne voulait guère entendre parler d'elle. Les blessures de Vénus. Deuxième partie, qu'est-ce qu'un corps féministe ? Une intervention choc hier au musée d'Orsay. Vêtue d'une simple robe dorée, l'artiste luxembourgeoise Déborah de Robertis a écarté les cuisses devant l'origine du monde. Peint en 1866, ce tableau de Gustave Courbet représente le sexe d'une femme allongée nue sur un lit, les cuisses écartées. On ne voit ni sa tête, ni ses jambes, ni ses bras. Je range, j'enlève mon manteau ici, près de cette porte-là. J'enlève mes chaussures aussi, je marche pieds nus, tout droit, sur cette ligne, jusqu'ici. Et donc je pose mon sexe sur cette ligne aussi, et je fais attention à ce que les pieds soient en pointe. Et je relève ma tête et je regarde en face de moi. Je tiens mon sexe avec mes deux mains et je fais face au public. À ce moment-là, moi, je suis calme. Je pense que j'ai jamais été aussi calme et posée. J'ai plus aucun trac et je me sens à la fois légitime, je me sens chez moi. Peut-être la sensation de faire quelque chose de vraiment juste. Ce que je vois, c'est que tout le monde s'agite. Je vois toute cette agitation. Il y a une tension. Il y a une surprise. Mais il y a aussi beaucoup de joie. Parce que le geste de liberté que je pose à ce moment-là, cette liberté, c'est aussi celle de ceux qui regardent. Ça dure 15-20 minutes. Il y a très rapidement une gardienne qui vient et qui donc se place devant moi. Ce qui me frappe à ce moment-là, c'est qu'elle ne me touche pas. Elle s'arrête voilà, juste ici, devant mon sexe, et elle cache avec son corps mon sexe, en fait, et mon regard aussi, puisqu'elle se place devant moi. Et donc, il y a ce face-à-face qui se crée entre elle et moi. Je la regarde. Je la regarde dans les yeux. Il y a quelque chose, à ce moment-là, d'une certaine vulnérabilité, mais qui n'est pas une faiblesse. C'est pour ça, je crois, qu'elle est restée devant moi en me regardant, mais sans savoir quoi faire. Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'elle reste donc devant moi, elle ne me touche pas, puis elle repart, puis elle revient. Je me suis dit, à un moment donné, elle a fait 3 fois l'aller-retour, je pense, et elle se plaçait toujours devant moi, de manière à cacher mon sexe aux yeux des visiteurs. Mais elle s'arrêtait toujours au même endroit. À aucun moment, elle a elle a fait un geste qui pouvait laisser croire qu'elle allait me toucher. Il y avait quelque chose d'intouchable. C'est là aussi où je sens la force de ce geste. Et même pour après, il y a les gardes qui sont. Personne n'osait me toucher puisque j'avais mon sexe ouvert, ouvert quoi. Le fait d'ouvrir son sexe, c'est tellement frontal, c'est tellement cru que je pense qu'ils ont eu peur de me toucher. Il y a quelque chose de peut-être. Je sais pas, je pense que c'est la force aussi du sexe féminin. J'ai un pouvoir à ce moment-là. Voilà, c'est ça que je ressens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je reste assise comme ça jusqu'à. Je bouge pas, jusqu'à l'arrivée de la police. Et ils n'osent pas me toucher. Et ils savent tellement pas quoi faire qu'ils évacuent en fait. Ils évacuent toute la salle. C'est comme moi, ils me bougent pas. Ils ne peuvent pas me bouger puisque je ne bouge pas et je ne les écoute pas dans ce qu'ils me disent. Je reste immobile. Et bien, ils sortent un par un. Ils sortent les gens. Et c'est la seule chose qu'ils ont trouvée. Je suis l'origine. Je suis toutes les femmes. Tu ne m'as pas vue. Je veux que tu me reconnaisses, vierge comme l'eau, créatrice du sperme. Et ils mettent un. Ils ont mis un grand paravent, ils ont devant moi en fait. Et pour tout fermer, c'était vraiment comme si j'étais une sculpture finalement. C'est ça que j'ai trouvé à la fois violent mais aussi beau. Et quand j'ouvre mon sexe, c'est comme un cri. C'est prendre la parole. C'est une façon de parler de la vie pour moi. Mon sexe, à ce moment-là, devient le sexe. Et c'est pour ça que je n'ai pas de peur ou d'autre chose. Ça devient le sexe de toutes les femmes. Quand je le montre, j'ai l'impression de montrer le sexe de toutes les femmes. Et ça, toujours. À aucun moment, j'ai l'impression de montrer mon sexe. La seule chose qui peut-être pourrait être de l'ordre de l'intime, c'est mon regard. Celui-là, il est singulier. On ne peut pas faire autrement. Pourquoi, en 2017, Déborah de Robertis s'en prend elle aussi à un tableau? Pourquoi ce tableau-là plutôt qu'un autre? Et pourquoi de telles réactions scandalisées face à son geste? On veut interdire qu'elle représente et qu'elle montre son sexe. Et juste au-dessus, il y a donc ce tableau « L'origine du monde » de Courbet qui représente une femme qui est allongée, dont on ne voit pas la tête, dont la tête est coupée. Donc ça, c'est important. Elle n'a pas de personnalité, hein, on voit juste le corps et qui est coupée aussi au niveau du haut des cuisses. Donc c'est véritablement centré sur le sexe, l'origine du monde. C'est quelque chose d'une forme d'idéal. On transforme une femme réelle avec, je dirais, son réalisme en quelque chose de l'ordre du symbole. Et Déborah de Robertis, je pense, lui rend possession d'elle-même. Elle redonne au modèle, elle se place à la place du modèle et elle redonne au modèle pleinement possession de son corps, de sa vie, de sa jouissance. C'est elle qui montre son sexe, qui, on sent, on fera pas ce qu'on veut avec Déborah de Robertis. Elle continue une histoire ancienne qui était ce passage à la fin du 19e siècle de modèle à artiste. Ce qu'ont fait un certain nombre de femmes, de Berthe Morisot à Suzanne Valadon et beaucoup d'autres. Elles sont modèles, puis elles deviennent peintres elles-mêmes. Mais là, on était dans une subversion, disons, forte et magistrale, mais simple. Ce que fait Déborah de Robertis, c'est de devenir ce sujet qui va représenter l'objet. Ce geste, c'est le geste de l'appropriation, d'être artiste ou d'être une citoyenne, et c'est le geste aussi de réappropriation de ce qu'il y a sur le mur du musée, à savoir une origine du monde. Elle veut que le sexe féminin redevienne donc acteur. Au XXIe siècle, le corps des femmes est clairement un outil. ce que je dis ne va pas suffire, donc mon corps peut peut-être être aussi un moyen de dire. Nos seins, une arme, disent les femmes. Je sais pas si elles le diraient exactement de la même façon aujourd'hui, mais moi, ce que je lis chez elles, c'est aucune exhibition, bien sûr, mais l'idée que seul leur corps va leur permettre de pouvoir dire quelque chose. En ce sens, elles vont se rapprocher des artistes comme Deborah de Robertis, même si elles n'ont pas l'idée de faire un geste artistique elles-mêmes. Mais ça participe de quelque chose. Et donc cette subversion, on l'a vue au Mexique avec des femmes qui avaient perdu leur terre, qui défilent nues parce qu'elles disent « seule la peau me reste ». On l'a vu en Argentine, on l'a vu en Chine, on l'a vu en Afrique. Donc c'est à la fois, si vous voulez, ça peut être banalisé comme la possibilité au fond d'exposer sa nudité dans l'espace public, d'exposer ou en tout cas d'assumer sa nudité tout dans l'espace public, mais ça peut être aussi un geste politique. Si on me vole tout, il me reste ça. C'est aussi un écran. C'est là aussi que je peux écrire quelque chose comme le font les femmes, d'écrire des slogans pour qu'ils soient lisibles sur nos écrans, parce que peut-être on va pas lire la pancarte ou pas lire l'article ou pas lire le livre. C'est la façon dont le corps féminin, avant d'être subversif, il est déjà simplement la propriété de soi. Un siècle après Mary Richardson, Deborah de Robertis ressent donc elle aussi le besoin de s'inscrire dans l'histoire d'un tableau. Pourtant, elle a le droit de vote depuis bien longtemps. Alors que dit son acte ? De l'art, du féminisme, des corps ? Qu'est-ce qui rapproche Deborah de Robertis de Mary Richardson ? C'est un mouvement. C'est-à-dire que ce qui compte dans le geste politique de Mary Richardson ou de esthétique, artistique de Deborah de Robertis, c'est que face à la représentation d'un tableau, on affirme un geste. Deborah de Robertis, elle, au fond, le nu, c'est ce à partir de quoi elle va pouvoir dire quelque chose. Elle ne détruit pas. La position de Mary Richardson, c'est plutôt de vouloir comparer deux beautés et de dire « vous vous trompez » ou « celle-là n'est pas la beauté d'aujourd'hui ». La beauté d'aujourd'hui, c'est Madame Pankhurst qui est aussi belle que la Vénus au miroir de Velázquez. Et je déplace votre regard. Et les regards ne sont pas placés de la même façon. Les deux ont en commun le mouvement. C'est-à-dire qu'elles font un geste. Face à un tableau accroché dans un mur de musée, mais à part le geste, tout les oppose. Mais c'est ce geste-là qui m'intéresse, et c'est ça sans doute qui le relie à l'histoire du féminisme. Toutes les deux sont dans le sillage de ce qui a commencé au XIXe siècle. On voit bien que c'est l'émancipation des femmes qui est derrière. C'est-à-dire, ah oui, peut-être qu'elles vont devenir sujet, peut-être qu'elles vont faire un geste. C'est beau la notion de geste hein, dans le féminisme. C'est vraiment beau, parce que c'est le geste, c'est ce qui est l'expression même d'une liberté rendue possible, assumée, revendiquée, appropriée pour les femmes de dire des choses ou de faire des choses. Deborah Robertis, je pense qu'elle participe de cette jeune génération, et elle le fait tout à fait sciemment, qui utilise les réseaux médiatiques, qui utilise la provocation en sachant très bien ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle enfreint une règle pour pouvoir dire quelque chose de son propre travail artistique qui n'a aucune chance, dit-elle, sinon d'être reçue, invitée de manière officielle dans ces lieux pour proposer ce type de performance. Donc elle prend sur elle-même, elle enfreint les règles et elle réalise voilà ses travaux. Mais elle n'est pas la seule. Quand Orlan mesure des rues et des institutions dans les années 70, elle n'a pas les autorisations. Quand Vallier exporte, met une petite boîte autour de ses seins et demande à ce qu'on touche sans n'avoir aucune réaction sur son visage en 68 dans les rues de Vienne et de Munich, ça provoque un tollé, elle n'a aucune autorisation. Donc elle n'est pas la seule, elle s'inscrit en fait dans un champ de la performance féministe où les artistes de toute façon devaient enfreindre des règles pour montrer les contradictions du musée qui expose certains types de tableaux mais n'autorise pas ou en tout cas n'encourage pas des performances telles que celles que Deborah Desrobertistes propose. Et elle s'inscrit justement dans un champ de la performance féministe, plus largement de ce qu'on a appelé art féministe, qui va se décliner à partir des années 70 aux États-Unis mais aussi en France. Je parle des pays occidentaux parce que après, si on veut parler d'autres continents, là, l'histoire n'est pas du tout la même. Donc elle s'inscrit en tout cas dans ce champ féministe des années 70 où notamment les artistes femmes vont s'emparer de la performance comme un lieu qui n'a pas du tout été codifié, puisque ça arrive à la suite des happenings au début des années 60, et elles vont pouvoir dire quelque chose justement de leur propre corps, de leur propre vision du corps, de leur propre jouissance, et puis avoir comme Orlan aussi des critiques par rapport à l'absence de représentation des nus masculins. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Sylvia Sleg, qui réalise à ce moment-là aussi, au milieu des années 70, une série de bains turcs, mais avec des hommes. Donc là aussi, il y a une volonté de décalage pour montrer les canons dans lesquels on a été enfermés, en remplaçant les corps des femmes dans ces bains turcs par des corps alanguis masculins, avec des hommes représentés sans violence, ils les représentent tels qu'ils sont, avec les marques des slips, avec la peau qui n'est pas bronzée à ce niveau-là, avec une pilosité qui peut être très forte, avec tous les défauts des corps, plus moins gros, mais elle les représente à longue, voilà, dans des poses qui, en général, sont des poses sensuelles associées à des corps féminins. My next guests are a group of anonymous feminist art activists. Please welcome the Gorilla Girls, everybody. Brush it up. Our star recipe. It's 2 cups of gelatin. Mix it well. Stir in a concept, technology as well. Whip in some finance and a pinch of cocaine. Add a harmless scandal, a media plan, all cooked up by your right-hand man. Alors, les Guerilla Girls, effectivement, c'est un collectif. Alors, il y a, à l'intérieur, c'est très mélangé. En fait, il y a des artistes, il y a des personnes qui sont plutôt dans des institutions, des gens qui viennent du théâtre, enfin des femmes, ce sont uniquement des femmes. Et leur idée, c'est de s'opposer, de militer via tout un chiffrage. Ça, c'est vraiment la caractéristique majeure de ce qu'elles font. Un chiffrage, et puis ensuite rendre de manière très médiatique les chiffres qu'elles obtiennent. Elles se forment en 1985. Et leur premier grand coup, hein, si on veut, médiatique, c'est le fait d'afficher sur les bus à New York une Vénus avec ce qui va devenir leur symbole, un masque de gorille pour ne pas être reconnue. Et elle nomme en fait le nombre de nus représentés dans le musée, 85%, et le nombre de femmes artistes qui sont présentes, 5% au MoMA à ce moment-là. Et donc leur idée, c'est véritablement par ces chiffres et par le contraste aussi de qu'est-ce qu'on représente et qui représente quoi, c'est de critiquer le patriarcat, de critiquer le sexisme du milieu de l'art et de critiquer la discrimination que vivent les artistes femmes. Et dès le départ, elles vont associer dans ces chiffres les personnes de couleur. Elles constatent qu'effectivement, il n'y a pas ou quasiment pas de femmes qui ont droit aux cimaises dans les musées, mais également, elles constatent en même temps qu'il y a peu de femmes artistes de couleur. Et ça, c'est important parce qu'aux États-Unis, ça a été très tôt lié ensemble et il y a eu toujours des revendications, alors pour les femmes de couleur, pour les femmes lesbiennes, après il y a les questions de classe, il y a les questions après de sexualité ou de sexuation qui vont venir petit à petit au cours du temps s'enchasser et s'articuler effectivement aux questions féministes. Et les Guerilla Girls vont ensuite effectivement aussi dans leurs chiffres noter combien de femmes artistes de couleur sont présentes. Et il se passe à ce moment-là, dès les années 70, il y en a eu aussi avant, moins visible, il y a tout un courant d'artistes afro-américaines qui vont aussi s'emparer du sujet et qui vont tenter de regarder comment elles peuvent, elles, continuer à produire, et notamment quel rapport elles ont au nu féminin noir en tant que personne de couleur, et comment ça a été associé notamment à toute cette histoire de l'esclavage, comment elles ont été représentées dans ce cadre-là avant et comment elles peuvent, elles, transformer, se réapproprier, quelles stratégies elles peuvent avoir. Alors, il y en a plusieurs, hein, Emma Amos, René Stout ou Adrienne Piper, hein, vont s'attacher à ces représentations de femmes de couleur. Et je voulais citer un article de Lisa Gayle Collins qui a écrit un texte qui s'appelle « Économie de la chair noire, représentation artistique du corps des femmes noires ». Et à l'intérieur de ce texte, donc, elle va analyser le rapport que les personnes de couleur peuvent avoir avec cette histoire de la représentation du corps, avec la légitimité à exister au sein de l'espace public, à prendre en charge sa propre représentation et à dire quelque chose qui soit autonome et qui ne soit pas, comme ça l'a été pour ces nus féminins, qui ne soit pas plaqué par des hommes ou plaqué par des femmes blanches sur leur propre manière, voilà, de vouloir exister au sein de la société. Et elles vont produire donc tout un langage qui leur appartient, qui est propre et qui va analyser leur propre relation à cette histoire. Alors, au sein de l'histoire de l'art afro-américaine, hein, c'est vraiment lié à ces représentations exotiques, érotiques, ces allégories. Et elles, ce qu'elles vont faire, par exemple, certaines vont se grimer en femmes blanches et représenter des femmes blanches comme modèles. Donc, il va y avoir des réinversions ou changer leur couleur de peau en montrant bien tous ces changements, que tout ça soit visible, qu'on comprenne dans quelle situation elles se situent quand elles se retrouvent à devoir représenter des nus, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs. Qu'est-ce que ça évoque chez elles, qui n'est pas, évidemment, ça ne fait pas le même écho que chez des femmes blanches qui n'ont pas cette même tradition et cette même identification. Ok, c'est parti, stop, stop. Paris, mars 2017. 26 femmes noires avancent en parade musicale et dansée dans les rues du quartier populaire de Barbès. Une déambulation afroféministe nommée 30 nuances de noir. En contournant les institutions qui ne les représentent toujours pas ou peu, en s'imposant dans l'espace public, ces femmes noires donnent à voir une diversité des corps féministes. D'un constat que les femmes noires étaient très peu représentées dans l'imaginaire, dans les représentations en France, tout ce qui est support artistique, cinéma, la publicité, aussi les livres d'histoire, la littérature, etc. Il y a une absence de femmes noires et quand on en voit, c'est très calibré. C'est très stéréotypé, c'est très stigmatisant et j'ai décidé d'aller à l'inverse en fait de ces représentations féminines noires et de montrer mes copines et toutes les autres femmes noires que je croise dans ma vie sous un jour différent. Enfin, on se montre tel qu'on est en fait. Voilà, on se montre pas à l'endroit où on nous voit habituellement. Je ressens, c'est une fierté d'être parmi justement toutes ces femmes noires, une fierté de représenter une pluralité aussi des femmes noires. On n'est pas monolithique, il n'y a pas une seule type de femme noire, on est plusieurs, enfin tout comme les personnes blanches, sauf que c'est quelque chose qu'on voit pas dans les films, qu'on voit pas dans les médias. Donc je ressens une fierté. She gon' say I'm a lady, oh. If you call a woman African woman, tout le monde s'est approprié le projet de façon vraiment viscérale. Au moment où on est dans la rue, on voit qu'il y a, un phénomène d'appropriation de la pièce au fur et à mesure où on voit des femmes qui ont des choses à dire qu'elles ne disent pas. Et elles arrivent dans la rue et elles explosent. Et ça, je pense que ça saute à la figure du public. Et il y a une espèce d'assurance comme ça, on avance quand même avec un rythme régulier, tout est ordonné, donc tout ça, ça participe de la force. On a un code couleur fait d'or, d'argent et de noir. Ça anoblit les corps, le mouvement, ça donne à la fois un côté festif, mais aussi un côté un peu futuriste. Moi, le côté futuriste que j'ai vu, ça m'a plu parce que bah, pour moi, ça doit être le futur. C'est-à-dire qu'on se réapproprie nos narrations, qu'on s'empare des représentations qui jusque-là n'étaient pas faites par nous et qu'on se donne à voir tel qu'on est, tel qu'on a envie qu'on nous voit. Bah, c'est l'avenir. Que ben voilà, il y a moyen de se donner de la force en étant ensemble et en n'ayant pas peur d'exprimer qu'on existe, qu'on est là, qu'on se cache pas quoi. Les blessures de Vénus, avec Bruno Nassima Boudra, Myriam Boussaba Brava, Fabienne Dumont, Geneviève Fraisse, Francesca Whitlum Cooper, Déborah de Robertis, Sandra Sainte-Rose et les membres du collectif 30 nuances de noir. Merci à Christine Barr et Charlotte Fouché. Merci à la National Gallery de Londres et au Musée d'Orsay à Paris. Texte « Qui veut la peau de Vénus ?» de Bruno Nassim Aboudra. Lecture « Laura Benson, Hélène Nosseur et Stéphane Chagoff. » Coordination « Christine Bernard. » Prise de son « Arthur Gerbeau. » Mixage « Julien Douminc. » Un documentaire de Charlotte Bien-Aimée et d'Ifi Mariani pour une histoire particulière. Histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous irons au point kilométrique 308.449 en prenant le train. Mais c'est une autre histoire.